Chapitre 25e. Frédéric. Marguerite se demandait avec étonnement si toutes les déclarations d'amour étaient aussi inattendues et aussi pénibles que les deux qui lui avaient été faites. Elle comparait involontairement Mr. Thornton à Mr. Lennox. Elle avait regretté que Henry se fût laissé entraîner par les circonstances à lui exprimer un autre sentiment que celui de l'amitié. Telle avait été sa pensée dominante en cette occasion. Elle ne s'était pas sentie alors convaincue, stupéfiée, abasourdie comme aujourd'hui, où elle croyait être encore poursuivie par l'écho des paroles de Mr. Thornton. Lennox semblait avoir glissé un instant hors de la limite qui sépare l'amour de l'amitié, et l'instant d'après l'avoir regretté autant qu'elle-même, bien que par des motifs différents. Mais quant à Mr. Thornton, il n'y avait jamais eu d'amitié entre lui et elle. Les rapports qu'ils avaient eus ensemble avaient été une série de dissentiments continuels. Leurs opinions se heurtaient constamment. Elle n'avait même jamais remarqué qu'il attachât de l'importance à celles qu'elle exprimait en tant qu'elles étaient les siennes, mais seulement comme opposées à son absolutisme, à sa passion pour l'exercice du droit dans toute sa rigueur. Il les repoussait habituellement avec dédain, à ce point que Marguerite s'était sentie fatiguée de protester toujours inutilement, et tout d'un coup, il venait lui révéler son amour de cette manière étrange et passionnée. Car si elle avait pensé d'abord qu'il se croyait obligé à lui offrir sa main, à la suite des événements de la veille, auxquels il avait pu se tromper comme les autres, elle était convaincue, même avant qu'il eût quitté la chambre, qu'il l'aimait, qu'il l'avait aimé, qu'il l'aimerait. Et elle se sentait poursuivie et comme fascinée par cette idée. En vain essayait-elle d'y échapper. Elle en voulait à Mr. Thornton d'exercer une domination sur sa pensée intime. Comment osait-il dire qu'il continuerait à l'aimer après qu'elle l'eût repoussé avec dédain? Elle regrettait de ne s'être pas exprimée plus fortement encore. Les réponses sévères et décisives se présentaient maintenant en foule à son esprit. La profonde impression que lui avait faite cette entrevue ressemblait à celle que produit un cauchemar, que nous ne pouvons éloigner de notre pensée, et qui continue à nous terrifier, bien que nous soyons éveillés et que nous essayions de sourire. Aussi tremblait-elle devant cette menace qu'il lui avait faite de l'aimer toujours. Que voulait-il dire? Quelles étaient ses intentions? Ne parviendrait-elle pas à l'éloigner? Qui lui donnait le droit de la menacer ainsi? Était-ce donc cette misérable aventure de la veille? Mais s'il en était besoin, elle ferait demain la même chose pour un mendiant infirme. Et pour lui? Pour lui aussi, elle recommencerait bravement. Quoi qu'il lui plût d'en interférer, et dût-elle s'exposer encore une fois à la calomnie? Elle l'avait fait parce que c'était bien, parce qu'il était de son devoir de sauver lorsqu'elle le pouvait et dans tous les cas de le tenter. « Fais ce que doit, advienne que pourra », dit le proverbe. Elle était restée immobile où il l'avait laissée, absorbée dans la rêverie où l'avaient plongé ses dernières paroles et ses regards profonds, passionnés, devant lesquels les siens s'étaient baissés. Elle voulut enfin secouer l'oppression qu'elle ressentait. Elle ouvrit la porte avec une sorte de désir impétueux d'échapper au souvenir de l'heure qui venait de s'écouler, soit en recherchant la société des autres, soit en s'occupant activement. Mais tout était calme dans cette maison où une malade avait coutume de demander au jour le repos qui lui était souvent refusé la nuit. Marguerite, cependant, ne voulut pas rester seule. Elle résolut d'aller voir Bessie Higgins, qui l'avait fait demander la veille. Elle trouva la pauvre fille couchée sur son lit de repos qu'on avait tiré tout près du feu, malgré la grande chaleur. Elle paraissait épuisée, comme il lui arrivait souvent après ses crises. Marguerite, sans rien dire, lui souleva la tête et lui arrangea ses oreillers de manière à ce qu'elle respirât plus facilement. « J'ai bien cru que je ne vous reverrai plus, » dit Bessie en la regardant. « Il me semble que vous êtes plus malade en effet. » Mais je n'ai pas pu venir hier parce que ma mère était bien souffrante et puis... Pour plusieurs raisons, dit Marguerite en rougissant. Vous m'aurez peut-être trouvé indiscrète lorsque j'ai envoyé Marie vous chercher, mais les cris et les disputes m'avaient fendu la tête et lorsque mon père est parti, je me suis dit « Oh, si je pouvais l'entendre me lire de sa voix douce quelques paroles de paix et d'espérance. Il me semble que je mourrais en entendant la parole de Dieu, comme un enfant s'endort aux chansons de sa mère. « Voulez-vous que je vous lise quelque chose maintenant ?»« Oh oui. Peut-être n'entendrai-je pas le sens d'abord, car tout me semble confus. Mais lorsque vous en viendrez aux mots que j'aime, aux textes consolants, tout Tout sera clair alors. » Marguerite commença à lire. Bessie s'agitait sur sa couche. Et si, par un effort, elle écoutait tranquillement quelques minutes, son agitation redoublait ensuite. À la fin, elle s'écria « Ne continuez pas, c'est inutile. » Car pendant ce temps-là, je blasphème intérieurement, en pensant avec colère à ce que je ne puis empêcher. « Vous avez sans doute entendu parler de l'émeute d'hier dans Marlborough Street, à la manufacture de Mr. Thornton, vous savez. »« Votre père n'en était pas ?» dit Marguerite en rougissant. « Oh non !» Il aurait donné sa main droite pour qu'elle n'eût pas lieu. C'est cela qui fait que je me désole. Il est complètement abattu et découragé. Il ne sert de rien de lui dire que les insensés passent toujours les bornes. Vous n'avez jamais vu un homme aussi désespéré. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Il est membre du comité, voyez-vous, pour ce qui concerne la grève. L'Union l'a nommé parce que, bien qu'il ne m'appartienne pas de le dire, il est connu pour son intelligence et sa probité. Et lui et les autres membres avaient fait leur plan. Ils devaient tous se tenir, quoi qu'il arrivât, et par-dessus tout, ils ne devaient rien faire contre la loi. Tout le monde aurait pris leur parti si on les avait vus luttant et jeûnant avec patience. Mais s'il y avait une fois du bruit et des batailles, même avec les Knobsticks, tout était perdu. Ils le savaient bien par l'expérience qu'ils avaient des autres coalitions. Ils étaient convenus d'essayer de ramener à eux les Knobsticks par la douceur et les raisonnements, de les effrayer peut-être. Mais quoi qu'il arrivât, le comité avait recommandé à tous les membres de l'Union de mourir s'il le fallait plutôt que de frapper un seul coup. Et à ce prix, ils étaient sûrs d'avoir le public pour eux. En outre, les membres du comité savaient que leur demande était juste et ils ne voulaient pas que le bien et le mal, le juste et l'injuste, fussent confondus et mêlés ensemble jusqu'à ce qu'on ne sût comment les séparer. Pas plus que je ne puis séparer la poudre du pharmacien de la gelée que vous m'avez donnée pour l'envelopper. La gelée est bien plus abondante. Cependant, le peu de poudre lui donne un mauvais goût. Vous savez maintenant ce qu'il en est. Mais je n'en puis plus. Vous pouvez juger vous-même de ce que mon père doit souffrir de voir tous ses plans renversés, toutes ses peines rendues inutiles par un insensé tel que Butcher, qui a bravé les ordres du comité, ruiné la coalition, et qui s'est conduit comme s'il avait voulu être un Judas. Ah, aussi mon père la lui a donnée bonne hier soir. Il a été jusqu'à lui dire qu'il le dénoncerait à la police, ou qu'il le livrerait au patron pour qu'ils fissent de lui ce qu'il leur conviendrait, qu'il montrerait ainsi à tout le monde que les véritables chefs de la coalition n'étaient pas des gens comme Butcher, mais des hommes fermes et réfléchis, de bons ouvriers et de bons citoyens, qui étaient soumis aux lois et qui voulaient maintenir l'ordre, qui ne demandaient que le salaire qui leur était dû, et qui ne travailleraient pas qu'ils ne l'eussent obtenu, quand ils devraient mourir de faim, mais qui n'en voulaient ni à la vie ni à la propriété des patrons. Or, ajouta la malade en baissant la voix, ils disent que Butcher a lancé une pierre contre la sœur de Thornton et qu'il l'a quasi tuée. Ce n'est pas vrai, dit Marguerite. Ce n'est pas Butcher qui a jeté la pierre. Puis elle rougit et pâlit tour à tour. Vous y étiez donc ? Dit Bessie d'un ton languissant, car le récit qu'elle venait de faire l'avait extrêmement fatiguée. « Oui, n'importe, continuez. Seulement, soyez sûr que ce n'est pas Butcher qui a jeté la pierre. Mais qu'a-t-il répondu à votre père ?» Il ne répondait rien. Il tremblait de colère si fort que je n'avais pas le courage de le regarder. J'entendais sa respiration haletante et à un moment j'ai cru qu'il sanglotait. Mais lorsque mon père parla de le dénoncer à la police, il poussa un cri et le frappa la figure avec son poing fermé, puis il disparut comme un éclair. Mon père ne fut qu'étourdi par le coup, car Butcher était affaibli par la colère et par la faim. Il s'assit un instant et mit sa main devant ses yeux, puis bientôt il alla vers la porte. Je ne sais comment j'en eus la force, mais je me jetai à bas du lit et je le retins par son habit. « Père, lui dis-je, tu ne vas pas les dénoncer, ce pauvre homme, exténué par la faim. « Je ne te laisserai pas sortir, que tu ne me l'aies promis. »« Y as-tu donc insensé, toi aussi ?» me répondit-il. « Ne vois-tu pas que les paroles vont plus vite que les actions ? Je n'ai jamais eu l'intention de le livrer à la police, quoique, de par Dieu, il l'aurait bien mérité. Et j'aurais été bien aise que quelqu'un se fût chargé de cette sale besogne et qu'on l'eût enfermé. Maintenant qu'il m'a frappé, j'ai moins envie que jamais de le dénoncer. J'aurais l'air de charger les autres de vider ma querelle. Mais si jamais il se remet de cette famine et que je le trouve en bonne condition, nous nous battrons solidement et il aura affaire à moi. » Et là-dessus, mon père me renvoya. Et en vérité, je me sentais bien faible. Son visage était blanc comme un linge là où il n'était pas taché de sang. Et il me faisait mal à voir. Je ne sais pas si je restais éveillé, endormi ou sans connaissance, jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Et alors, je lui ai demandé d'aller vous chercher. Et à présent, ne me parlez plus. Lisez-moi seulement le chapitre. Je me sens mieux depuis que je vous ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Mais j'ai besoin des pensées de la vie à venir pour m'ôter jusqu'au goût de celle-ci. Ne me lisez pas un chapitre de sermon. Choisissez-en un où il y ait des histoires, parce que je vois les personnages quand je ferme les yeux. Lisez-moi quelque chose des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Peut-être en vous écoutant oublierai-je ceci. Marguerite se mit à lire de sa voix basse et douce. Bien que Bessie eût les yeux fermés, elle écouta quelque temps, car on voyait des larmes couler sur sa figure. À la fin, elle s'endormit, tressaillant de temps en temps et murmurant des supplications. Marguerite la couvrit et la quitta. Elle était tourmentée de l'idée que sa mère avait peut-être besoin d'elle, et cependant, jusqu'à ce moment, il lui semblait cruel de laisser seule la pauvre fille mourante. Mrs. Hale était dans le salon lorsque sa fille revint. C'était un de ses bons jours, et elle ne tarissait pas sous les louanges du Lido. Il ressemblait, disait-elle, au lit de chez Sir John Burstford, plus que tous ceux sur lesquels elle avait couché depuis lors. Elle ne savait comment cela se faisait, mais on avait perdu l'art de faire des lits comme on faisait autrefois. C'était cependant chose bien facile. On avait toujours la même plume et la même laine que dans ce temps-là. Et malgré cela, jusqu'à la nuit dernière, il y avait un temps infini qu'elle n'avait couché sur un bon lit. Mr. Hale voulut insinuer qu'on devait peut-être attribuer quelque chose du mérite des anciens lits à l'activité de la jeunesse, qui donnait du prix au repos. Mais cette idée fut malvenue de sa femme. « Non, en vérité, Monsieur Hale, dit celle-ci, c'est que les lits de Sir John étaient excellents. Voyons, Marguerite, toi qui es jeune et qui prends de l'exercice, j'en appelle à toi. Les lits sont-ils confortables? Éprouves-tu un sentiment de repos complet lorsque tu t'étends dessus? Ou ne te retournes-tu pas 20 fois pour essayer de trouver une bonne position? Et ne t'éveilles-tu pas le matin aussi fatigué que lorsque tu t'es couché? » Marguerite se mit à rire. « À vous dire le vrai, maman, je n'ai jamais guère fait attention à mon lit. J'ai si grande envie de dormir le soir que n'importe où je me pose, je m'endors. De sorte que je ne suis pas un juge compétent. D'ailleurs, vous savez que je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer des lits de Sir John Burstford. Je ne suis jamais allé à Oxenham. »« Vraiment ? Oh non, tu as raison. C'est ce pauvre cher Frédéric que j'ai emmené. Je ne suis allé à Oxenham qu'une fois depuis mon mariage. » À l'occasion de la noce d'Atancho. Et le pauvre Fred était le baby à cette époque. Je me rappelle que Dixon n'avait pas été très contente de devenir bonne d'enfant, de femme de chambre qu'elle était, et je craignais que, la ramenant à son ancienne maison et parmi ses anciennes camarades, elle n'eût eu envie de me quitter. Mais Frédéric tomba malade à Oxenham à cause de ses dents, et comme je restais beaucoup avec Anne, qui allait se marier, et que je n'étais pas très forte moi-même, Dixon fut presque complètement chargée de l'enfant, et elle s'y attacha à lui si passionnément, elle était si fière lorsqu'il ne voulait aller avec personne qu'avec elle, que je ne crois pas qu'elle ait jamais songé depuis à me quitter, quoique le service de notre maison fût bien différent de celui auquel elle avait été accoutumée. Pauvre Fred, tout le monde l'aimait. Il avait le don de gagner les cœurs. J'ai bien mauvaise opinion du capitaine Reid, quand je pense qu'il n'aimait pas mon cher, mon bien-aimé enfant. C'est une preuve certaine qu'il avait mauvais cœur. Ah, ton pauvre père a quitté la chambre, Marguerite. Il ne peut supporter d'entendre parler de Frédéric. Moi, j'aime que vous m'en parliez, maman. Dites-moi tout ce que vous voudrez. Vous ne m'en direz jamais trop. À quoi ressemblait-il lorsqu'il était tout petit? Il ne faut pas t'en fâcher, Marguerite. Il était bien plus joli que toi. Je me rappelle que la première fois que je te vis dans les bras de Dixon, je m'écriai « Dieu, la vilaine petite créature !» Et elle me répondit, « Dame, tous les enfants ne peuvent pas être comme maître Frédéric. Oh, comme je me rappelle tout cela. » Dans ce temps-là, j'aurais pu presser Frédéric dans mes bras à chaque instant du jour. Son petit lit était tout près du mien. Et maintenant, Marguerite, je pense que je ne le reverrai jamais. Marguerite s'assit sur un petit tabouret près du sofa de sa mère et prit doucement sa main, qu'elle baisait et qu'elle caressait, essayant de la consoler. Mrs. Hale pleurait sans se contraindre. Au bout de quelque temps, elle s'assit droite et roide sur le sofa, et se tournant vers sa fille, elle lui dit d'un ton presque solennel « Marguerite, si j'ai quelque chance de guérir, c'est en revoyant mon fils. Je sens que sa présence ranimerait la vie en moi. » Elle s'arrêta et sembla recueillir ses forces pour parler de nouveau. « Marguerite, ajouta-t-elle bientôt d'une voix étouffée, si je dois mourir, si mes jours sont comptés, souviens-toi que je veux revoir mon fils avant de quitter ce monde. Je ne sais pas comment il faut s'y prendre, mais je t'en prie, Marguerite, au nom des dernières consolations que tu espères recevoir dans ta dernière maladie, je t'en conjure, fais que je le voie, que je puisse le bénir. Seulement 5 minutes, Marguerite. Il ne peut y avoir de danger à le voir 5 minutes. Oh, Marguerite, fais que je le revoie avant de mourir. » Marguerite ne réfléchit pas à ce qu'il pouvait y avoir de déraisonnable dans ces paroles. Nous ne cherchons pas la logique ni la raison dans les supplications passionnées de ceux qui sont malades et tristes jusqu'à la mort. Nous sommes blessés du souvenir de 1000 occasions où nous avons négligé de remplir les désirs de ceux qui, dans peu, vont nous être ravis. Et nous demandassent-ils le sacrifice de tout notre bonheur futur? Nous le leur accordons volontiers. Mais ce désir de Mrs. Hale était si juste, si naturel, que Marguerite pensa que pour Frédéric aussi bien que pour sa mère, elle devait, sans se préoccuper des chances de danger, faire tout ce qui était en son pouvoir pour la réalisation de ce souhait. Les grands yeux suppliants de sa mère demeuraient fixés sur elle, tandis que ses lèvres pâles tremblaient comme celles d'un enfant. Marguerite se leva doucement et alla se placer en face de Mrs. Hale, afin que celle-ci pût lire sur le visage de sa fille la ferme résolution d'accomplir ce qu'elle désirait. « Maman, j'écrirai aujourd'hui même et je dirai à Frédéric ce que vous désirez. Je suis sûr, comme de mon existence, qu'il partira sur le champ. Calmez-vous donc, chère maman. Vous le verrez, cela est certain, autant qu'une chose peut l'être en ce monde. Tu écriras ce soir. Oh, Marguerite, la poste part à 5 heures. Écris avant, veux-tu? Il me reste si peu de temps. Il me semble, cher ami, que je ne guérirai pas, bien que quelquefois ton père finisse par me persuader d'espérer. Tu vas écrire tout de suite, n'est-ce pas? Ne laisse pas perdre un seul jour, car ce jour-là peut être cause que je ne le revois pas. Mais maman, papa est sorti. Papa est sorti? Et qu'est-ce que cela fait? Crois-tu qu'il s'opposerait à ma dernière volonté, Marguerite? Mais je ne serais pas malade s'il ne m'avait pas fait quitter Hellstone pour m'amener dans ce pays malsain, enfumé et sans soleil. Maman! Oui, c'est la vérité. Il le sait bien lui-même. Il me l'a dit plus d'une fois. Il ferait tout pour moi, et tu n'imagines pas qu'il veuille se refuser à mon dernier souhait, à ma dernière prière. Et véritablement, Marguerite, cet ardent désir de voir Frédéric se place entre Dieu et moi. Je ne peux pas prier qu'il ne soit satisfait. Je ne le peux réellement pas. Ne perds pas de temps, chère, chère Marguerite. Écris par la poste d'aujourd'hui. Il sera ici, ici, près de moi, dans 22 jours. Car je suis sûr qu'il viendra. Ni corde ni chaîne ne pourront le retenir. Dans 22 jours, je verrai mon enfant. » Elle se laissa retomber sur les oreillers, et pendant quelques minutes, elle ne remarqua pas que Marguerite demeurait assise et immobile, la tête appuyée sur sa main. « Tu n'écris pas ? » s'écria-t-elle tout à coup. « Donne-moi une plume et du papier, je vais écrire moi-même. » Elle se redressa, en proie à une ardeur fébrile. Marguerite ôta la main de sa figure et regarda sa mère avec tristesse. « Attendons seulement que papa revienne, » dit-elle. « Nous lui demanderons comment il faut nous y prendre. » « Tu me l'as promis, Marguerite. Il n'y a qu'un quart d'heure. Tu m'as dit qu'il viendrait. » « Et il viendra aussi, maman. Ne pleurez pas, chère, bonne maman. Je m'en vais écrire tout de suite, ici même. Et la lettre partira par la poste d'aujourd'hui. Si papa le juge à propos, il écrira de son côté lorsqu'il reviendra. Cela ne fera qu'un jour de différence. Oh, maman, ne pleurez pas ainsi. Vous me fendez le cœur. » Mrs. Hale ne put arrêter ses larmes. Elles étaient causées par une sorte de faiblesse nerveuse, et d'ailleurs elle ne fit aucun effort pour les maîtriser, mais au contraire, elle se complut à évoquer tous les souvenirs heureux du passé et à les opposer aux plus lamentables prévisions de l'avenir, se représentant le jour où elle ne serait plus qu'un cadavre et où ce fils, qu'elle avait tant désiré de voir pendant sa vie, pleurerait sur elle désormais insensible à sa présence, jusqu'à ce que sa pitié pour elle-même l'eût mise dans un état de sanglots et d'épuisement dont la vue déchirait le cœur de Marguerite. Mais à la fin, elle se calma et surveilla avidement tous les mouvements de sa fille qui commençait à écrire. Celle-ci pressa, en peu de mots, son frère de venir et se hâta de cacheter sa lettre, de crainte que sa mère ne voulût la voir. Et pour que tout fût plus sûr, elle alla, à la suggestion de Mrs. Hale, la mettre elle-même à la poste. Elle revenait à la maison lorsque son père la rencontra. « D'où venez-vous comme ça, ma belle enfant ?» lui dit-il en souriant. « De la poste, où j'ai porté une lettre pour Frédéric. »« Oh, papa, j'ai peut-être eu tort, mais maman était prise d'un si violent désir de le voir. Elle disait que cela la guérirait. Puis ensuite, qu'elle voulait le revoir avant de mourir. Je ne saurais vous dire combien elle m'a pressé d'écrire. » Mr. Hale garda un instant le silence, puis il dit « Tu aurais dû attendre que je fusse rentrée, Marguerite. » « J'ai essayé de le lui persuader, » répondit Marguerite, et elle se tut. « Je ne sais, » reprit Mr. Hale après une pause. « Il faut qu'elle le voie, puisqu'elle le souhaite si fort, et en vérité, je crois que cela lui fera plus de bien que toutes les médecines, et même que cela peut la guérir tout à fait. Mais je crains qu'il n'y ait beaucoup de danger pour lui à venir. » « Bien que tant d'années se soient écoulées depuis cette révolte, papa ?»« Oui. » »« Il est sans doute nécessaire que le gouvernement prenne les mesures les plus vigoureuses pour la répression des offenses contre l'autorité, particulièrement dans la marine, où l'officier qui commande a besoin d'être entouré, aux yeux de ses hommes, du prestige de tout le pouvoir qui, dans son pays, est prêt à l'appuyer, à faire cause commune avec lui et à venger, s'il est besoin, les injures qu'il a reçues. »« Ah ! » Peu importe que les autorités aient tyrannisé et excité à la colère des caractères ardents et passionnés. Ou du moins, si cela peut plus tard servir d'excuse, il n'en est jamais ainsi dans le premier moment. Ils n'épargnent aucune dépense, ils envoient des vaisseaux, ils parcourent les mers en tous sens pour se saisir des coupables. Les années s'écoulent sans effacer le souvenir de l'offense. C'est un crime toujours nouveau, toujours vivant aux yeux de l'amirauté, jusqu'à ce qu'il ait été lavé dans le sang. « Oh, papa, qu'ai-je fait ?» Et cependant, cela paraissait si juste et si naturel dans le moment. Je suis sûr que Frédéric lui-même voudra courir le risque. Sans doute, il le voudra, et il le devra. Après tout, Marguerite, je suis bien aise que ce soit fait, quoique je n'eusse peut-être pas osé le faire moi-même. Je suis bien aise que les choses soient ainsi. J'aurais hésité jusqu'à ce qu'il fût trop tard, peut-être. Chère Marguerite, tu as fait pour le mieux. Et l'événement ne dépend pas de nous. » Tout cela était très bien, mais ce que son père lui disait de la manière impitoyable dont les rébellions étaient punies faisait trembler Marguerite. Si elle avait attiré son frère en Angleterre pour l'y voir laver de son sang le souvenir de sa faute, elle sentait que l'inquiétude de son père était profonde, malgré les paroles encourageantes qu'il venait de prononcer. Elle lui prit le bras et revint à la maison, pensive et fatiguée.